cette semaine à Assemblage Rocky. On parle de Barbara, le nouvel album de We Are Scientists. On combine différents éléments chimiques pour construire une chronique geek CNX. Et je vous parle du spectacle de First Aid Kit qui avait lieu dimanche dernier. C'est à Assemblage Rocky, jeudi 15h ou samedi 16h.